31 janvier 2025. Voilà la date où est produit cet enregistrement, donc en compagnie de Berthold. Donc, vous entendez présentement David qui vous parle au micro, en audio, et Berthold qui est avec moi, donc vous pouvez voir en vidéo. Donc, bonjour Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, Berthold est un YouTuber autodidacte avec des connaissances pluridisciplinaires, disposant d'un savoir que j'aurais tendance à dire avec le temps encyclopédique, dans le sens que tu vas te prononcer sur une variété de sujets. Tu as lu beaucoup de livres aussi dans ta vie. Et aussi, je rajouterais que tu as un sens critique redoutable. Avec lequel, depuis plusieurs années, je me suis permis donc de parler d'une variété de sujets, également de commenter l'actualité. Ce qui est important de mentionner en début d'enregistrement, dès le départ, c'est que à présent, tu es avec une nouvelle chaîne YouTube, donc la troisième, donc au nom de Berthold, pour les gens qui s'intéressent. Et tu as repris tes activités. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'enregistrement qu'on avait fait ensemble au début du mois de janvier 2025 a eu vraiment de nombreuses vues. Il y en a au-dessus de 3900, plusieurs commentaires. Je vois présentement qu'il y a un intérêt du public là, par rapport à nos entretiens. C'est sûr qu'il faut dire qu'il a fait suite à une période de plusieurs mois où on n'avait pas discuté ensemble. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est que lors du dernier enregistrement, qui a eu beaucoup de visionnement, je n'ai pas fait de demande de contribution financière comme je le faisais par rapport à d'autres enregistrements dans le passé. Et je l'ai regretté. En fait, c'est passé un incident, puis ça peut être intéressant que les gens du public soient au courant pour pas que ça se reproduise à l'avenir. C'est qu'il y a quelques jours après la publication de cet enregistrement, il y a un YouTuber qui a repris des extraits d'enregistrement sans mon autorisation et qui demandait des dons par rapport à ça. Oui. C'est qui? Il s'appelle Francis. Donc, j'ai... Osé changer. Oui, exact. Non, pas... Oui. Ah oui, ça me surprend. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Infuse. OK. Donc, il a fallu que j'intervienne, mais il s'est réajusté par la suite. J'ai dit d'enlever, là, parce qu'il demandait des dons. Puis il faisait ça aussi par rapport à d'autres enregistrements, donc sur sa chaîne YouTube, par rapport à des extraits de Bernard de Montréal, Daniel Kemp. Et puis, j'ai dit, regarde. Ça peut valoir aussi pour d'autres personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que si vous aimez nos enregistrements, parce que là, je sens qu'il y a un intérêt du public, parce que dans les invités que j'ai reçus au fil du temps, tu es un des plus visionnés là, présentement là, sur ma chaîne. Donc, s'il y a un intérêt du public par rapport aux enregistrements et de prendre des extraits, donc des segments des enregistrements que je réalise avec Berthold, eh bien, je demanderais aux gens de ne pas demander des dons ou des contributions financières. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a des crises de limite, dans le sens qu'on donne depuis plusieurs années gratuitement du matériel. Et s'il y a des gens qui veulent se faire de l'argent sur notre dos, à un moment donné, moi, je trouve que c'est pas acceptable. À un moment donné, il ne faut pas se faire rire en pleine face. Là. Donc, par rapport à Francis, j'ai intervenu, il a enlevé là, la mention, là, comme de quoi, là, qui, dans le fond, demandait des dons là, en bas des enregistrements. Donc, c'est correct. Il y a des personnes qui, au fil du temps, si je pense entre autres à Supramental Berthold, qui a repris plusieurs extraits. Donc, son initiative, je trouve, est très respectueuse là, de enregistrements. Mais je voulais quand même le mentionner parce que ça m'a créé un malaise. Et aujourd'hui, ce que je dis aux gens, parce qu'il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide, dans le sens que si on ne fait pas quelque chose, les autres vont prendre la place ou, dans certains cas, essayer de prendre le crédit. Mais s'il y a des gens qui apprécient les enregistrements que je fais avec Berthold et que je rends disponibles gratuitement depuis plusieurs années, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir des contributions financières. Donc, vous allez avoir les informations là, à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Et ça peut se faire par les services de paiement sécurisé que sont Interac et également PayPal. Et pour les gens qui nous écoutent, bon, moi, je demande des contributions financières, mais les invités que je reçois peuvent aussi en faire autant avec les enregistrements. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le passé, je t'avais déjà fait la proposition, mais aujourd'hui, si tu, dans le fond, aimerais avoir des contributions financières, tu es le bienvenu, là. Non, c'est correct. OK. Fait que, dans le fond, je voulais quand même le dire devant le public, parce que moi, je suis quelqu'un qui cherche à être juste, dans le sens que si Ben, vous avez. si les gens veulent donner, c'est à toi. Ben, en fait, toi aussi, tu es impliqué. Je veux dire, une entrevue, ça se fait à Ouais, deux, mais là, moi. moi, c'est ça. J'ai pas besoin de cacher, là. Bon, en fait, c'est comme tu veux. Je veux dire, le coût de la vie a augmenté beaucoup dans les dernières années avec l'inflation. Et là, si Trump met en exécution bientôt sa politique tarifaire pour augmenter de 25 % les importations venant du Canada, on risque de se ramasser dans un pétrin financier dans les prochains mois. Ben, qu'il le fasse, ça va aider la Chine. Puis, à moyen terme, ça y nuirait politiquement. Ben, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, mais Ben, quoi moi, que. je pense qu'à la dernière minute, puis, ça va bien paraître. Je veux dire, même du monde qui ne l'aime pas va être content. C'est une belle surprise. Ça va être une belle surprise pour des gens naïfs. Oui, possiblement. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça, moi, dans le fond, j'accepte les contributions financières. Moi, c'est sûr que dans mon cas, j'ai une famille, j'ai une jeune fille âgée de 2 ans, donc j'ai des responsabilités et dépenses familiales là, qui vont avec ça là, naturellement. Donc, j'ai un contexte de vie particulier. Sinon, je voulais mentionner aux gens aussi que dans mon audiothèque hébergée sur archive.org, je suis rendu à présent à 986 enregistrements audio avec Berthold de disponible. Donc, on se rapproche du 1000 enregistrements, là. Donc, c'est pour dire aux gens là, à quel point il y a beaucoup de matériel là, de disponible et j'ai fait un travail de moine là, pour tout mettre en ligne naturellement ces enregistrements là, sur plusieurs mois. Et j'ai l'impression qu'en cette année 2025, on va passer le cap là, facilement là, du 1000 enregistrements. Parce que j'ai vu que tu étais parti de plus belle là, sur ta chaîne YouTube, dans le sens que depuis les derniers jours, tu produis régulièrement des enregistrements. Ouais, mais je n'ai pas fait hier. À moins que je me lève vers 4 h du matin, là, 4 h 30 du matin. C'est-tu hier que j'ai mis ma dernière? Je pense que c'est avant-hier. Mais ben franchement, il y a l'oiseau moqueur, sa chaîne est fermée ce matin. OK. Ça a sauté probablement. C'était une plainte pour des droits. Possiblement, là. J'ai pas de nouvelles encore, mais si j'en ai, je vais en parler. Quoi que l'on soit, on peut le saluer, donc ce YouTuber. Et puis, ben c'est sûr que tu as repris tes activités. En fait, l'automne passé 2024, donc comme tu en as parlé ouvertement à la fin de notre dernier enregistrement, tu t'étais occupé de ta mère. À son chevet, ce qui est très louable là, de ta part. Et puis de mon côté, pendant cette période de temps, je me suis intéressé à fond au domaine de l'investissement en bourse, plus particulièrement par rapport aux fonds négociés en bourse et aussi l'étude des crypto-monnaies, qui, à mon avis, sont des possibilités d'investissement pouvant donner des rendements très intéressants. Sinon, avant de débuter l'enregistrement d'aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que tu avais des annonces particulières à faire? Non. Parfait, donc on va commencer. En fait, lors de notre dernier enregistrement qui a été réalisé là, au début du mois de janvier 2025, à un moment donné, t'as dit que tu aimerais mieux qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Oui, pour moi, les Oui, autres, c'est eux autres. exact, mais là, je voulais comme explorer ça un peu plus en détail. Dans le sens que, est-ce que, à ton avis, la vie sur Terre est tellement souffrante que tu aimerais mieux que ça se perdure pas l'existence? Non, c'est pas lié à une appréciation. C'est lié à quoi? C'est pour ça que je voulais comme le C'est lié à clarifier. rien. OK. Je veux dire, tu sais, tout ce qui a rapport avec le rien, c'est lié à rien. Ça peut pas être lié à quelque chose. Donc, c'est pas lié à des affects, c'est pas lié à une appréciation, c'est pas lié à. C'est lié à rien. C'est juste que, ben, c'est ça.

Mais je voulais quand même te mentionner par rapport aux gens qui ont gravité autour de Bernard. Il y a plusieurs années, j'avais interviewé des séminaristes, des gens qui l'ont très bien connu, puis des gens qui m'écoutent, là, si vous allez sur YouTube, j'ai fait, entre autres, une entrevue avec Donald Moses, des entrevues avec Daniel Ménard, qui l'a côtoyé pendant plusieurs années, d'autres personnes aussi. Mais en particulier, j'avais fait une entrevue de plusieurs heures avec Jean-Luc, qui est un Européen, qui l'a reçu chez eux. Et ce que j'avais trouvé intéressant par rapport à cet entretien-là, c'est qu'il m'avait décrit, c'est disponible publiquement, là, Bernard de Montréal au quotidien. Puis il m'avait mentionné, entre autres, que quand il l'avait reçu chez eux, il fallait qu'ils lui disent d'aller aux toilettes là, à tous les jours parce qu'il était comme dans une vibration, puis il perdait comme le contact avec les fonctions de base, là, comme Comment ça manger et se aller aux fait que toilettes. Charles Sabourin nous décrit quelqu'un de bien normal? Chacun a sa perception du Non, non, personnage. non, non, c'est pas une affaire de Non, il y perception. a de la C'est là, faut que tu subjectivité l'avertisses pour là-dedans. qu'il chie, là. Tu sais, c'est pas une affaire de perception. Si le gars, il est pas normal, c'est pas une affaire de perception. C'est moi, s'il faut que le monde me dise quand je Oui, vais le détecter, à ce c'est pas niveau-là, normal. mais je veux dire, il y a plusieurs perceptions par rapport à Bernard, là. C'est ça que je t'explique, là. OK. Ça ne marche pas. Il y a des incohérences par rapport au témoignage. Parce que chacun décrit une personne différente. À un moment donné, là, c'est quoi, là? C'est Peter Sellers, ce gars-là. Quand il était là en Europe, il jouait un rôle, puis quand il était ici, il en jouait un autre. C'est quoi, là? Mais là, on peut répliquer, bien, il y a eu plusieurs périodes de sa vie. Donc, si Sabourin l'a Ouais. connu dans les années 90, puis l'autre, c'était début 2000, un peu plus, C'est ben. ça l'affaire, c'est parce que là, il y a plein d'affaires qu'on nous compte pas. Parce que moi, il y a des affaires qu'à un moment donné, pour comprendre, il a fallu que là, je côtoie, tu sais, puis là, que j'écoute du bavassage. Comme maintenant, tu sais, on vient qu'on ne sait plus c'est quoi, mais à force, on vient que ça se recoupe. Tu sais, il y a des témoignages qui se recoupent, puis il y en a d'autres que tu peux éliminer parce que ça se contredit. Puis il y a eu des ruptures. Je veux dire. Toutes les personnes qui disent Bernard, ça a été mon ami, ouais, mais il y en a un, lui, il a été son ami de telle année à telle année à peu près. Puis là, il y a eu une rupture, puis il y avait de la chicane, puis tu n'avais plus le droit d'approcher. Mais ça, tu n'en parles pas. Puis c'est pareil, plusieurs. Il y en a plusieurs, Bernard, il y a eu des ruptures à un moment donné. Oui. Puis c'est des phases comme de sa vie. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça. Fait que là, ça devient complexe parce qu'il y a tous les aspects sociaux puis psychologiques liés à tout ce phénomène-là, qui viennent tout embrouiller, qui viennent tout déformer. Là, le monde dit, ah, oh, c'est pas ça qui est important dans l'instruction. Ben oui, mais regarde, là, avant d'acheter un produit, tu vas, tu sais, je veux dire, avant d'acheter n'importe quoi, tu vas lire le livre d'instruction ou t'informer si le produit y a de l'allure ou pas. Je veux dire, vas-tu acheter n'importe quoi, puis là, après, lire le livre d'instruction pour savoir si tu devais l'acheter ou pas. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui est à l'envers, qui est pas logique, là. On tombe dans l'irrationnel quasiment dès le début. C'est pour ça que, jusqu'à un certain point, moi, il y a des questionnements que j'ai. Ils n'ont pas été honnêtes. Je veux dire, quand ils ont vu que je ne pourrais pas leur servir, moi, c'est comme M. Sabourin. M. Sabourin, il était bien correct avec moi, mais l'affaire, c'est qu'il acceptait que je collabore avec lui à condition que j'assimile son vocabulaire. Puis pour assimiler son vocabulaire, il fallait que j'aie des consultations avec lui périodiques, puis il fallait que je paye. Moi, j'étais prêt à collaborer avec lui, puis entre autres, c'était pour y rendre service parce que tout ce que je voulais, c'était une entrevue avec. Puis j'étais prêt à collaborer avec pour sa chaîne à lui, puis l'aider, tu sais, pour genre, gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. Mais là, fallait que j'embarque, c'était carrément comme si je devenais l'adepte d'un bonhomme, puis qu'il fallait que je sois son gourou, puis que je suive des formations, puis que je paye Mais pour ma à part, 125 $ oui. d'heure, David. Il y a de quoi qui ne marche pas. Ben, c'est Puis drôle. quand ça a été la question, Oui. moi, je voulais juste savoir des questions concrètes sur des détails. Ça ne l'intéresse pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est ça, moi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis l'affaire, ce n'est pas d'accuser ou de mettre au pilori ou de commencer à chercher des coupables de quoi que ce soit. Mais moi, c'est l'affaire, c'est juste, je veux une cohérence. C'est supposé être cohérent, puis ça ne l'est pas. Moi, ce que je vois, c'est pas, ça correspond pas avec ce qu'on dit. Mais ce que je peux te dire, par contre, pour ce qui est de Charles Sabourin, parce que j'ai fait avec lui un enregistrement, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube il y a plusieurs années. Moi, dans le fond, j'avais fait l'enregistrement d'un coup, dans le sens, je n'avais pas eu à faire des sessions de consultation au préalable ou préparatoire. Ben là, c'est parce que toi, t'allais faire comme une pub d'une certaine façon. Tu sais, moi, c'est comme s'il si voulait. Comment je pourrais dire ça? En tout cas, il fallait que je devienne Sabourin. Il fallait que je devienne un de ces. Comme tous ceux qu'il y a eu au cours des années, tu sais, il y a des collaborateurs qui se sont succédés. Puis ce que j'ai compris, c'est que j'allais devenir un de ceux-là. Donc, il voulait comme selon ta perception, te former pour que tu Ouais. deviennes son disciple. Mais moi, ça peut pas marcher. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes tout de suite parce que juste le fait qu'il pensait ça à mes yeux, ça démontrait qu'il était pas très éveillé puis qu'il voyait pas clair. Parce que c'est évident, je veux dire, moi, je ne pocherai jamais là, comme ses collaborateurs, je peux pas. Parce que quand tu écoutes ses entrevues avec ses collaborateurs, puis tout, c'est vraiment, sont là pour, comment je pourrais dire ça, c'est quasiment comme des sides. C'est comme un sidekick, là. C'est comme un. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un duo qui dialogue. C'est pas ça, je vois, moi. C'est M. Sabourin qui parle, puis l'autre sert à. Ben, il y a des gens qui vont avoir des faire-valoir pour les mettre en valeur. C'est tout simplement aussi simple que ça, plutôt qu'un vrai dialogue avec des fois des oppositions. Exactement. Moi, c'est ça ce que j'apprécie dans notre relation, c'est que j'ai jamais voulu de faire de toi mon disciple ou vice-versa. Ben oui, tu sais, sinon c'est plate. Mais il y Exact. en a qui sont tellement insécures que ça peut, il n'y a pas d'autre forme de dynamique possible. Puis, pour comprendre ça chez M. Sabourin, tu as juste à l'écouter parler de la perception qu'il y a des problèmes du monde. Tu sais, puis là, tu comprends, c'est lui. Tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? L'affaire, c'est que moi, je l'ai vu, j'ai eu une consultation avec, puis il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange. C'est M. Sabourin qui parle, puis toi, tu suis. Puis il te pose des questions, puis là, tu réponds à ses questions. Mais il y a eu des problèmes techniques, puis il était tout mêlé dans ses fils, puis finalement, ça a duré peut-être même pas 40 minutes, puis il m'a chargé l'heure. J'ai jamais eu de facture. Tu sais, moi, c'est l'affaire. J'ai fait de la brocante, j'ai fait des. Tu sais, puis on faisait des factures. Tu sais, puis c'est pour des conneries, là. Et je comprends pas, moi, pour des affaires comme un suivi, que c'est quasiment, on n'est pas loin de la thérapie, là. T'as même pas de. Tu sais, tout ce que j'avais, c'était une preuve du transfert à la banque. C'est tout. C'est le seul papier que j'avais comme quoi, c'est la seule preuve que j'avais comme quoi je l'avais payé. Parce qu'il a fallu, il m'a envoyé un spécimen, puis j'ai fait un transfert à la banque à son compte. C'est le même qui marchait. Je sais pas s'il marche encore de même, mais il reste que. Moi, je trouve que c'est dangereux. Parce que le monde, il s'improvise. Lui-même, il me disait, il dit, regarde-les tous. Il parlait le monde dans le supramental. Ils veulent tous faire de la consultation. Mais moi, je le regardais, je me disais, t'es pareil. Toutou. Ben, il fait Toutou, de la tu te penses consultation capable de. complètement. Ben là, moi, je trouve ça dangereux. Tu sais, je veux dire, on n'a rien. C'est parce que n'importe qui, là, peut se garrocher, là. Oui, puis c'est sûr que c'est pas régi par un ordre professionnel comme les psychologues. Ben, des fois, ça me dérange les autres professionnels parce que ça devient un peu comme une façon de. En tout cas, tu sais ce que je veux dire, il y a un côté coercitif de Contrôlant. groupe. C'est ça. Mais il reste que c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Exactement. Des fois, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait eu un ordre qui surveille. Ça dépend, c'est sûr, ça dépend. C'est du cas par cas. C'est subjectif, tu sais, je veux dire, quand t'as un ordre, ils font un jugement ou ils font leur espèce de procès kangourou à quelqu'un, là. Mais il reste que, moi, Sabourin, je suis pas en train de dire que c'est un charlatan, puis je suis pas en train de dire qu'il est dangereux, là. C'est pas ça que je dis, puis je suis pas en train de dire que c'est pas un bon bonhomme. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, mon expérience avec lui fait que j'ai pas la même opinion que lui, puis pas du tout, sur la façon, comment je pourrais dire ça? Sur l'approche, entre autres, la façon de voir les choses, dans le sens qu'il y a quelque chose des fois d'axiomatique, puis il tourne les coins ronds pour ajuster ça à ce que lui, il veut, tu sais. Mais il reste que c'est pas de même. Moi, quand il parle en entrevue, puis l'affaire, c'est parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va écouter ça. Moi-même, ça fait des années que je ne l'écoute plus. Mais maintenant, il disait qu'il y avait des enfants en consultation. Maintenant, il disait qu'il y avait un schizophrène en consultation. Ça commence à être lourd de conséquences, là. Dans le sens, il Oui. s'agit qu'il y ait quelqu'un qui voit ça, puis qui porte plainte au collège des médecins, puis il y a une enquête sur lui, eux autres, ils écoutent toutes. Ils vont payer quelqu'un pour tout écouter, même vont payer plusieurs personnes. Puis ils vont tout noter. C'est de même, ça marche. Puis à chaque fois qu'il va avoir la prétention d'avoir, au niveau psychologique, être capable de soigner quelqu'un, tu sais, je veux dire, c'est de même, ça marche. Ou au pire, si tu as les médias, il y a plein de journalistes qui sont en manque de. Ils veulent pas parler des vraies affaires. Fait qu'ils vont vouloir parler de. Oh, un tel homme de telle région prétend soigner tel truc, C'est ça, prétend un guérisseur pouvoir. qui fait un exercice illégal de la médecine. Là, ils prennent une belle petite journaliste dans vingtaine, fin vingtaine ou début trentaine. Puis elle arrive à j'aimerais s'intéresser à de la consultation. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va faire un on a fait infiltrer des influenceurs qui se prétendent ci pis ça. C'est vers des affaires de même qu'on s'en va parce que si on tombe dans une période de prospérité puis d'accalmie de quelques années, les journalistes, ils deviennent de même. Puis là, ils se mettent à chiquer des petites affaires de même. Fait que là, tu sais, je veux dire, les médias, c'est comme, moi, il y a des choses, il y a des gens que je considère suspects simplement parce que les médias, de la façon qu'ils en parlent, dans le sens, tu as l'impression que la personne est attaquée dans le journal de Montréal, mais dans le fond, elle l'est pas du tout. Tellement que des fois, j'ai envie de contacter le journaliste puis de dire, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Tu sais, je veux dire, pourquoi? Voyons, là, c'est quoi, là? C'est un article pour faire de la publicité à cet influenceur-là? Parce que, Mais t'es même des peut-être plus fois, du critique monde. qu'eux autres, c'est ça l'affaire. C'est peut-être une critique plus virulente qu'un paquet de journalistes ici au Québec. Ben, l'affaire, c'est que le journalisme, jusqu'à un certain point, il est lié au Québec. Il faut comprendre qu'au Québec, on fait partie de. Bon. On tombe dans le délicat, c'est-à-dire qu'il y a des agences liées à des intérêts qui sont transnationales, qui sont installées au Québec, qui c'est lié entre autres à des opérations de communication. On va le dire comme ça. Donc, Mais c'est pas si délicat regarde. que ça. Il y a des informations qui sont de l'ordre public, comme par exemple la firme McKinsey, Ça, qui c'est pas. leur. C'est McKinsey. Je suis tanné d'entendre McKinsey, là. Désolé, je l'ai C'est insultant déformé. pour ce clan-là. Bon, donc en tout Mais, cas, bref, la firme en tout cas. McKinsey, dans le fond, de communication publique, c'est elle qui a influencé le gouvernement pendant toute la période dite de pandémie pour le Oui. narratif officiel dans un paquet de pays occidentaux. Puis ça, c'est Ils documenté. l'ont sorti dans le journal pour dire qu'ils en ont parlé, pour pas que tu portes plainte au conseil de presse pour dire qu'ils n'en parlent pas. Mais dans les faits, on n'en parle pas. Mais dans les faits, on le sait que ça, c'est une source d'influence Oui, ici mais au dans les faits, Québec. c'est tabou. Tout Oui. ce qui n'est pas tabou, c'est de dire, ah, McKinsey a influencé le gouvernement, McKinsey est au Québec, puis il y a des contrats avec le gouvernement. C'est la seule affaire que tu as le droit de parler. Là, si on est là-bas, là, oh, c'est tabou. Personne ne parle d'eux. Non. Mais il y a des Y a-tu choses. les hauts bureaux Blouin, ils Oui. travaillent pour eux autres. Je ne sais pas s'ils travaillent encore pour eux autres. Il n'y a pas de journalistes qui s'intéressent. Ça ne les intéresse pas, les journalistes. C'est drôle, ça. Je veux dire, t'en as un qui est allé pour Québec solidaire, t'en as l'autre qui est allé, Martine Desjardins est allé pour quelle affaire, puis lui, il est allé pour McKinsey. Léo Bureau-Blouin, il est allé travailler pour McKinsey. Et il n'y a pas un journaliste qui s'intéresse. Ça les intéresse pas, les journalistes. Ça touche pas. Je veux dire, ce gars-là, il n'a pas rapport avec les aspects sociologiques puis certaines affaires dans notre société dans les dernières années, même si c'était le plus le pas flamboyant, puis celui-là qui était le plus profil bas, puis ça c'était comme l'eunuque des trois, là. Mais comment ça qu'il est rendu, il travaille pour McKinsey, ça intéresse aucun journaliste au Québec. Il n'y a personne qui est intéressé à voir ce gars-là en entrevue. Jean Cattali était reçu dernièrement par Stéphane Bureau. Moi, Stéphane Bureau, que j'ai jamais eu confiance, là, parce que, tu sais, je veux dire, il fait un travail. Mais il disait, là, avec Jean Cattali, il l'avait en entrevue, que c'était son ami depuis des années. Puis, je suis tout seul. Je me rappelle, moi, j'écoutais la radio de Radio-Canada quand j'ai fait couper le câble en 2005. Je me suis mis à écouter la radio. Puis, maintenant, il y a Marie-Louise Arsenault, l'amie de Guillaume Lepage, recevait Jean Cattali à son émission. Puis elle te l'a flatté dans le sens du poil, elle te l'a liché. J'en revenais pas. Puis elle, c'est supposé être une spécialiste de George Orwell, puis. Non, non, mais c'est parce que dans le fond, Jean Cattali, ben je l'ai écouté moi aussi là, avec Stéphane Bureau. C'est parce qu'à mon avis, il sert à quelque part un peu l'opposition contrôlée, dans le C'est sens ça. qu'on nous dit, ah ben lui, il va présenter les nouvelles différemment. Puis finalement, Si le gars il est à la TV, David, c'est pas réel. ben c'est là que je vais en venir. C'est que Bon. si on le voit à face du monde, c'est parce que quelque part, il sert le système, parce que sans ça, on n'en parlerait même pas. Si ton influenceur, il se fait salir dans le journal, c'est parce qu'il travaille avec pour les mêmes boss au fond, finalement, que le journaliste. Sinon, il n'en parlerait même pas. C'est comme s'il n'existerait pas, le gars. À moins que ce soit un idiot utile. Mais il reste que. C'est pour ça que moi, c'est comme moi, je ne l'ai pas écouté l'entrevue avec Jean Cattali. J'ai juste besoin de voir les extraits qui disent on est amis, on ne le cachera pas. Bon, OK, c'est ça. Ça confirme ce que je pensais. C'est tout. J'ai pas, ben, je ne vais pas me taper une entrevue plate à mort avec une vieille coquerelle sans intérêt qui radote la même affaire tout le temps. T'sais. Moi, ça me dérange pas de. Puis Jean Cattali, ça n'a rien à voir avec ses origines, ça a à voir avec sa philosophie politique qui fait que je le considère comme une coquerelle. Sa façon de voir l'humain. C'est quand tu vois les humains comme des coquerelles, c'est parce que t'en es une. Le semblable n'est connu que par le semblable, comme Et dirait un voilà. philosophe. Donc, ces gens-là, ils ont une vision hiérarchique du monde parce que dans leur tête, il n'y a rien que des coquerelles puis différents niveaux. Il y a le haut du garde-manger, il y a le bas du garde-manger. Ils voient ça de même. Fait que, dans le fond, tu sais, puis là, même, c'est pas comme si j'affirmais quoi, là, je veux dire, c'est ce que je dis là est visible. Ils sont extrêmement limités. Tu sais, même, c'est pour ça que. Des vraies entrevues, c'est rare. Moi, c'est comme il y en a là, qui ont leur contact avec les hauts-plans de la lumière. Là, si vous voulez qu'on teste le contact, OK, on va filmer ça en direct. Moi, je parle avec votre contact. Moi, le tester, moi, votre contact. C'est mieux d'aller vite, hein? Parce que moi, ça va vite. Fait qu'il faut que l'échange aille vite aussi. Sinon, je vais considérer que c'est un contact avec rien. Je vais spéculer que, tu sais, s'il sort rien d'intéressant, que c'est défaisable à mesure. Parce que si je pour tester un contact, tu sais, je vais le faire avec mon esprit, je ne le ferai pas avec un contact avec de quoi de comme l'autre, là. Il n'y aura pas de besoin d'attendre que je reçoive un message, c'est direct, c'est instantané. Ce que je vois, je le vois. Quand ça arrive, j'ai pas besoin de réinterpréter. Puis, Mais mais justement, parlant d'esprit, c'est quoi la distinction que tu fais entre l'esprit et la conscience individuelle? ah ben l'esprit c'est en dehors, c'est bien plus vaste. Ça dépend. On parle-tu d'un esprit humain? L'esprit humain. L'esprit humain c'est pas pareil. Il y a l'esprit de l'homme. Mais l'esprit en tant que principe, ça englobe tous les humains. Tandis, l'esprit de l'homme, ça peut être individuel, c'est pas pareil. Mais l'esprit comme principe, est-ce qu'on parle à ce moment-là d'une conscience, dans le fond, C'est de globale? l'intelligence, OK. l'esprit. Ça va engendrer de la conscience quand c'est en contact avec une individualité. Mais l'esprit, c'est pas individuel. C'est universel. C'est un principe cosmique. Comme Bernard disait, son emploi, ces langages-là, si on le considère en tant que principe, ça va devenir de la conscience. Oui, s'il y a un contact avec une individualité, c'est quand l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit que sa conscience prend de l'expansion, si tu veux. Mais est-ce qu'on peut considérer l'esprit universel un peu comme le réseau Internet sur lequel un individu peut se brancher? Oui, mais c'est, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement différents réseaux. Mais c'est le plus vite. Donc, La haute l'Internet haute vitesse. vitesse, ouais, c'est là que j'allais en venir, là. Mais oui, il n'y a plus d'espace, donc même si c'est instantané, là. Mais sinon, par rapport à Bernard de Montréal, je voulais revenir sur le fait que tu avais déjà dit en enregistrement que quand tu étais jeune, tu avais été exposé d'une manière précoce par rapport à son matériel en lien avec ta grand-mère. Puis, dans le fond, ce que je comprenais, c'est que ça avait changé comme trop rapidement ta vibration. C'était pas clair dans ma tête. Ce qui arrive, c'est que je me suis mis à penser à des affaires qu'un enfant peut se poser penser à ça. Sais, on Comme. est un peu dans la même affaire qu'avec le transgenrisme et ces conneries-là, là. Faites attention, là. T'sais, je veux dire, moi, quand j'étais petit, puis que des figures d'autorité m'expliquent qu'il y a d'autres plans avec des entités, puis qu'ils nous jouent dans la tête, puis tout, moi, je suis un enfant, là. Je crée tout ça, là. Ça va influencer toute ma dynamique par rapport à la pensée. Ça influence toute ma dynamique. Immédiatement, je vais devenir, tu sais, je veux dire, j'entre dans un monde dangereux, puis, ou même les adultes, à part ma mère, les adultes ont l'air des astis de fucky, là. Heureusement que, y avait pas rien que le supramental, là. Il y a des affaires, heureusement, que ça a servi de structure, que j'ai pu me rattacher à ça. Ma grand-mère, elle me faisait peur avec ses histoires d'entité. Puis là, quand elle se mettait à confronter ça, puis en plus, ça me menait, ça pétait des coups dans les murs. Hey! Ben, c'était-tu ta J'ai grand-mère 8 qui. ans, moi, là, Ouais. là. Je suis tout seul avec à Montréal dans son loyer. Elle parle rien que d'affaires de même. Puis les hosties de cassette de Bernard, puis. Sa fille, ma tante Nicole, elle est dans d'autres affaires. C'est pas mieux. Puis, wow! L'énergie de Montréal, je l'ai sentie, hein, je la sens. Hein. Je sais c'est quoi l'énergie de Montréal. C'est quoi? Ben, ça se sent, tu sais. Tu sais, c'est comme le film L'eau chaude, l'eau frette. Il y a l'énergie de Montréal dedans. Ça se sent. C'est l'énergie de Montréal. Mais peux-tu me décrire concrètement ta perception de Non, je peux l'énergie? pas te décrire, c'est quelque chose qui se sent, c'est de l'indicible. OK. Mais l'énergie de Montréal, ouais, il y a une sorte de fébrilité, ça pogne par le ventre puis ça chatouille. Sais, c'est un point d'énergie, ça, tant qu'à moi. Si on se met dans cette optique-là, là, de géomancie puis tout, c'est une île, puis un volcan dessus, puis c'est un volcan, je veux dire. L'île, ben dans le fond, c'est un monticule dans le fond d'un lit de. C'est pas une île, tant qu'à moi, vraiment. Là. Mais il reste que. Oui, il y a quelque chose. Mais c'est comme je te dis, il y a certains films, ils ont l'énergie de Montréal. Le film Eldorado de Robert Lepage, il y a l'énergie de Montréal dedans. Et ça se sent. Pour moi, c'est quelque chose qui se sent. J'ai été un été, il y a quelques années, j'étais sur le plateau Mont-Royal, quelqu'un que je connais qui louait un appartement. D'ailleurs, de quelqu'un de connu qui ne sait même pas que j'ai été chez eux. J'ai dormi dans le lit de ce gars-là. Il n'est même pas au courant. Ben, cette place-là de Montréal, là, le plateau Mont-Royal, puis tout, c'est là qu'il y avait le quartier ouvrier, puis tout, il y a une énergie spéciale. Ça se sent. T'sais, moi, je veux dire là-dessus, c'est des affaires que si je mets ça comme je le rationalise pas. Ça fait partie de mon vécu puis de mon ressenti. Mais Puis c'est ça, mais pour en venir à ton vécu, avec le recul puis la conscience critique que tu as aujourd'hui, est-ce que, dans le fond, tu aurais été exposé trop jeune au matériel de Bernard? j'ai été exposé trop jeune à tellement d'affaires. Je veux dire, c'est pas Bernard le pire. C'est loin d'être le pire. Non, mais quand même, c'est lourd, là, tu sais, si ta grand-mère t'a amené l'idée qu'il y avait des entités, puis qu'il y avait comme une Parle guerre rien de occulte. ça, quasiment. Ben là, c'est ça, c'est parce que là, ça peut t'amener dans une espèce d'état de peur, Ma de. grand-mère a pensé que j'avais un mandat. OK. Puis c'est pour ça que j'ai été exposé jeune. Donc, sciemment, elle t'a exposé à ça en lien avec la croyance que tu as un mandat. Puis sur quoi qu'elle s'appuie pour dire ça? Je sais-tu, moi? Demande-moi pas de rationaliser l'irrationnel des autres. Tout le monde dans ce milieu-là, ils ont pas toutes leurs têtes, tant qu'à moi. Mais c'est parce que c'est lourd de conséquences. Tu sais, par exemple, dans le fond, il y avait eu. André Moreau racontait que quand il était jeune, sa mère, dans le fond, il avait dit que, dans le fond, André, il avait donné un commentaire qui est comme de quoi. Ben, ça allait dans le sens qui était comme. Dans le fond, divin, ou tu sais, il avait dit quelque chose, puis par la suite, ça a marqué le reste de sa vie. Donc, Ouais, parce que lui, comment je pourrais dire ça? Ça faisait son affaire. Tandis que moi, ça faisait pas mon affaire. Ce qu'on me disait. Je voulais pas. Je veux pas. Je voulais. Moi, j'aurais voulu être quelqu'un de normal. Mais là, c'est parce que dire ça à un bas âge, surtout quand le jeune peut être très perméable à l'environnement, parce qu'il est encore en développement individuel, c'est très lourd de responsabilité sur ta trajectoire de vie par la suite, là. Ben, gars, je serais Robin. Non, comment l'autre, là? Il a envoyé chier. Oui, je sais qui tu parles, dans le fond. Oui, Krishnamurti. Krishnamurti, oui. Lui, en privé, c'est un innocent. J'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages sur sa vie privée. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. Puis c'était pas mieux que les autres. Mais au moins, lui, à un moment donné. Mais il reste qu'il a à moitié accepté ce qu'on disait. Fallait tout rejeter. Tout. La demi-mesure, il n'y a pas de place pour ça. Soit c'est réel, soit ça ne l'est pas. Mais justement, par rapport à ce qu'a dit ta grand-mère alors que tu étais en bas âge, que tu étais quelque part un initié, toi, dans le fond, sur le coup, est-ce que tu as cru à ça ou tu étais... Non, moi sur le coup, je peux pas vérifier. OK. Fait que je le vois comme une possibilité. J'ai pas changé, hein. Je veux dire, même enfant, j'étais comme ça. Je croyais pas. C'est difficile. C'est lié justement au fait que je l'ai regretté d'avoir fait confiance. Souvent. Fait que je suis devenu extrêmement. Tu sais, je crois rien, là. Fait que, tu sais, je me suis tellement fait. Souvent, moi, je vais être porté à penser que quand j'étais enfant ou même plus jeune, je pensais que les gens étaient. Ben, tu sais, on va être porté à voir les gens comme on est, on n'a pas d'autres points de référence. Fait que moi, l'idée que tu peux me mentir pour un intérêt ou quelque chose, je pensais pas à ça. L'idée que ma grand-mère, elle était brainwashée puis qu'elle se contait des histoires, c'était une possibilité au moment où elle me sortait des affaires dans la main. Puis, par après, plus tard, quand ça a commencé à mal aller, là, puis que leur histoire de projet pour sauvegarder les élus, là, puis tout, là, que ça a commencé à chier, puis qu'elle a commencé à se rendre compte que c'était n'importe quoi, puis tout, là, ça a commencé à être difficile. Parce que même si je voyais ça comme j'y croyais pas vraiment, mais le fait de le voir comme une possibilité, je me rattachais un petit peu. Puis elle m'avait montré les photos, la bâtisse qui avait été faite en Haïti. Là, c'était, je vais tout le temps m'en rappeler, c'était un toit avec des tuiles comme en terre cuite. Ça, c'est par rapport au projet de Roche Sauvage. Moi, je sais pas trop lequel. Là, puis je me rappelle les petites lucarnes aussi qu'il y avait sur le toit. Elle me montrait ces photos-là, c'était la place, tu sais, quand ça allait mal aller. Tu sais, c'est là, moi, que. Puis il y a aussi vers. Puis même, je veux dire, ça, c'est quand même, je veux dire, c'est assez avancé dans les années 90. Avant ça, dans les années 90, moi, une affaire qui m'a terriblement marqué, c'est l'affaire de l'Ordre du Temple solaire. Parce que moi, j'avais un intérêt, enfant, pour tout ce qui était les ordres de chevalerie, ces affaires-là. Puis pour moi, ça représentait des valeurs importantes. Puis quand il y a eu cette affaire-là, de l'ordre, puis aussi le fait que, comment je pourrais dire ça, j'avais une certaine spiritualité liée à la tradition occidentale. Puis là, on parle en 94, tu sais, je suis pas vieux, là, mais je suis déjà positionné. Puis il arrive cette affaire-là. C'est-à-dire le suicide collectif, là, Ouais. Puis moi, j'ai l'impression qu'on nous dit pas tout, puis que c'est pas normal, puis que c'est louche. Puis aussi, par après, plus tard, je me rends compte qu'il y a une esthétique dans ces affaires-là que je trouve ailleurs, chez d'autres groupes qui existent encore. Puis là, je commence à me rendre compte. Finalement, moi, ça m'a beaucoup marqué. Surtout, il y a eu une entrevue, c'est Herman Delorme qui a donné en 94 à Christiane Charette en direct. Puis je l'ai écouté en direct, l'entrevue, puis je vais tout le temps m'en souvenir. Que lui, il avait expliqué comment que il s'était fait embarquer là-dedans, puis tout, puis l'affaire, les maîtres invisibles, puis ces gugus-là, puis tout. Puis c'était dans la même affaire que des cossins comme Comté, là. Puis auquel, d'ailleurs, j'ai tout le temps. Il y a quelque chose instinctivement, intuitivement, dans ces affaires-là que moi, ça me revient pas. On va le dire comme ça. Puis, intuitivement, habituellement, mon intuition, quand je me suis pas fié, je l'ai regretté. Mais il reste que par après, il y a plusieurs affaires, plusieurs événements comme ça qui font que il y a aussi le fait que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait de plus en plus de monde qui était dans des gugus autour de moi. Je veux dire, maintenant, je me suis rendu compte qu'une madame, c'était une raëlienne. Je ne le savais pas. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais encore jeune, j'ai peut-être 14 ans. Puis là, il y a un party. Puis là, tout le monde a pris de la boisson un petit peu. Puis elle, cette madame-là, c'est comme sa fête. Puis elle me dit, ah, donne-moi mon bec, ma fête. Puis là, je donne un bec, puis la bonne femme, elle se rouvre la bouche. Ça, c'est mon premier contact avec une réelle. Donc, elle voulait J'ai baiser avec 14 la ans, puis il y a une langue, bonne femme de j'imagine. 60 ans qui me. Tu sais, c'est toutes des affaires de même. J'ai vécu, tu sais, ça, c'est des affaires le fun que je te compte, là. Ben, ça dépend, là. Je veux dire, peut-être toi, ça t'a créé un malaise, là, Par quand t'as. rapport au reste, oui, c'est sûr, mais par rapport au reste, là, il n'y a rien là. Tu sais, c'est tous des petits détails de même. C'est toutes des affaires de même qui font que finalement, j'étais allergique, hein, à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est. Mais c'est intéressant que tu nous partages ça parce que pour les gens qui nous écoutent, ça va être utile pour eux pour mieux comprendre pourquoi que tu as une critique aussi virulente par rapport à tout ce qui est Ben là. spiritualité ou occulte. C'est un peu comme, tu sais, moi, Bernard, une des affaires qui fait que maintenant, j'étais quand même dedans, puis oui, j'ai été fasciné un bout. C'est l'affaire, le discours qu'il y avait contre le nouvel âge, puis par rapport à l'ésotérisme. Ça, c'était, je veux dire, il n'y en a pas gros. Jusqu'à ce que je me rende compte que, tu sais, qu'il y en avait. Puis jusqu'à ce que je me rende compte que. Parce que l'affaire Bernard, il dit, tu sais, il parle là, l'intellect, c'est un mental inférieur, puis tout. On n'est pas porté à prendre des notes ou à vérifier ou à. Puis j'ai été plusieurs années que. Tu sais, mais après, je suis tombé dans une phase. J'ai été plusieurs années, je lisais même plus. Tu OK. sais, je faisais plus de recherche, je lisais plus. Quand j'ai commencé ma chaîne, là, je lisais plus. J'ai été des années à sans lire, sans faire de recherche ni rien. Puis là, par après, maintenant que là, je me suis mis à dire, OK, là, je vais vérifier toutes les affaires qui me turlupinent. Hey! Là, je tombe sur des affaires, genre, les grands esprits se rencontrent. Moi, il y a une gang que je déteste, c'est les Kellogg de Battle Creek. J'ai horreur de cette gang-là. Leur maudit dogme alimentaire, puis hein, de contrôle de la population, puis d'hygiénisme, je suis allergique. J'y déteste. Eux autres, c'est quasiment les ancêtres de ce qu'on a vécu dans les dernières années, dans le fond, quand on regarde ça. Lors du temple solaire, il avait les feuilles de salade 18 fois l'eau de Javel. C'est des malades. Mais il reste que les Kellogg de Battle Creek, quand j'ai compris que c'était la cosmogonie du rendu, c'était lié à eux autres, j'ai fait, hein? Ah, tiens donc. Tout s'éclaire maintenant. Justement, en lien avec ça, tu as fait une vidéo très intéressante récemment là, sur ta chaîne YouTube en lien avec Bernard de Montréal où tu passes en revue ses différentes influences. Donc, sur le plan, Puis je les connais pas toutes, il y en a d'autres. exactement, mais c'est quand même intéressant de regarder que, à quelque part, parce que il y a des gens qui vont croire que Bernard, c'est un initié, il vit une fusion instantanée, puis tout ça vient de sa source. Mais en réalité, il y a quand même un contexte historique sur le plan humain, sociologique, anthropologique, dans lequel il s'inscrit, puis il va prendre des formes déjà existantes. T'sais, c'est pas un destructeur de formes là, à sens unique, là, dans le sens. Puis des fois, il reprend des affaires telles quelles, là. Joseph Smith, quand il a rencontré l'ange Moroni, hein? Joseph Smith, c'est un fraudeur. Il avait un dossier criminel dans des États où ce qui était avait de. Je veux dire, sa fraude qu'il a faite, c'est connu, ça fait longtemps. Je veux dire, de vouloir chercher des trésors avec des roches magiques, il y avait ça dans la Renaissance. Puis il s'est fait fourrer en se faisant vendre des petites plaques. Puis lui-même, il croyait à des affaires. Puis finalement, il a monté sa propre. Bon, tant qu'à moi, c'est réglé, ça, là, Joseph Smith. Là. Ça fait longtemps. Parce qu'il y a des affaires, c'est vérifiable. Fait que, tu sais, lui, il nous ramène ça, là, Joseph Smith, quand il a rencontré, là, hein? Je me rappelle, Jacques Berger, à un moment donné, il était vraiment dans la pauvreté, tellement qu'il était même plus capable de se payer des dentiers. Puis tellement que y a de ses amis, ils trouvaient qu'il faisait pitié, ils ont dit, il faudrait lui faire écrire un livre, tu sais, ça va lui faire un peu d'argent. Puis c'est là, il a écrit un petit livre, pas long à lire, qui s'appelle « Les livres maudits ». Puis je vais tout le temps me rappeler, quand j'avais lu ça, le livre, il était écrit à une époque que la scientologie n'est pas connue encore, ben ben. Elle commence à être connue, puis tout, mais. Puis dans le livre, il écrit qu'il y a un groupe aux États-Unis qui garde l'histoire secrète du monde sur des feuilles dans un coffre-fort. Puis que c'est juste quand tu atteins le top de l'organisation que tu as le droit d'y lire. Mais même là, c'est dangereux parce qu'il y en a qui virent fous. Puis il dit pas c'est quoi, puis c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était c'est la scientologie. Parce que quand tu arrives au bout de la scientologie, là, tu as accès à l'histoire secrète que Ron Hubbard a écrit du monde. Puis là, tu as l'histoire de Xénu qui congèle les âmes. Puis c'est pour ça que le monde, il y en a qui viraient fou. Imagine, tu as gaspillé tout ton argent puis toute ta vie là-dedans pour finalement te rendre compte en lisant une histoire ridicule, des pages qui sortent d'un coffre-fort, que c'est une arnaque dans le fond. Il y en a qui virent fou. Ben, ça a dû créer de la déception pour certaines personnes. Quoique rendu à ce stade-là d'endoctrinement, probablement que la personne qui a consacré un paquet d'années de sa vie, elle va se laisser mystifier par ça aussi, là, ça peut être Ben possible. là, c'est parce que là, tu as le choix d'accepter que tu t'es fait avoir ou de finalement d'embarquer total. Puis là, je pense que 65% du monde autour de ça, eux autres, ils seraient pas capables d'absorber le choc du réel, dans le fond. Puis je sais que toutes ces affaires-là, dans le supramental, il y a du monde qui ont eu de l'intérêt pour la Dianétique. La Dianétique, je l'ai étudiée, puis tout, c'est juste un ramassis de d'autres affaires qui étaient connues en psychologie, pas en thérapie avant. Que L. Ron Hubbard, il a lu des livres de pas psycho, puis de développement personnel, puis a créé le sien. C'est sûr que jusqu'à un certain point, il y a des affaires, c'est vrai. C'est sûr que si tes idées claires, tu vas être. Tu sais. Mais il reste que c'est un piège parce que ce que ça peut t'aider dans ta vie, ça va servir de carotte, de cheval de Troie pour parce qu'il y a des principes qui sont réels dans la Dianétique, mais ça vient pas de Ron Hubbard. Ça vient pas de lui. Ben, en fait, quand tu regardes ça, parce que depuis tantôt, on parle de différentes influences, tu sais, il y a un adage qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ben, quand on a vu que, dans le fond, par rapport à Allan Kardec, il y a des éléments qu'on peut mettre en relation avec le chamanisme. Ensuite, Bernard de Montréal, Cosmogonie d'Urantia. Tu sais, tout, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que tout est en lien qu'une série d'influences. Ouais, c'est parce que, mettons que toi, tu veux te construire une patente, tu vas prendre des affaires qui marchent. Puis tu veux que ta patente elle ait l'air nouvelle, fait que tu vas faire des amalgames. Ou tu vas changer, non. Tu sais, je suis pas en train de dire que Bernard, il a voulu se faire une patente. Mais si on prend la description que Jean-Luc en fait, Oui. Bernard, ça se peut-tu qu'au niveau de son quotidien, en tant que personne, il aurait eu de la misère à s'adapter à une vie de monsieur, madame, tout le monde? Puis qu'il fallait qu'il y ait un métier adapté pour lui. Puis que comme c'était un bon communicateur, entre autres, puis tout, il a peut-être été aidé par du monde qui était dans des milieux semblables avant lui, qui ont été des mécènes, ou qui l'ont aligné un peu. Moi, je reste persuadé qu'il y a un lien entre Bernard Boucher puis Adela Sergeri. Ben, T'sais, ce serait plus je très regarde ça, possible. puis plus moi, ça m'apparaît de plus en plus évident. Ben. L'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui va en parler. S'ils vont pas répondre, genre, non, il n'y a pas de lien, c'est genre silence radio total, écœure-moi pas. Mais en fait, en lien avec ça, c'est parce que ça fait penser à une personne qui me dit dans un de ses enregistrements de Bernard que les nouveaux initiés ont étudié la science cosmique. Elle avait étudié pendant des années de temps la science cosmique en lien avec l'enseignement d'Adela Sergerie. Fait que là, elle dit, ah, ben, elle doit parler de moi et d'autres personnes qui ont étudié là-dedans. Puis moi, ce que j'ai regardé par rapport aux gens qui ont passé à travers ça, c'est beaucoup des femmes qui ont des métiers, genre ils travaillent dans des bureaux ou la commission scolaire. C'est un type spécifique de clientèle. Le problème avec Adela Tremblay-Sergery, c'est que ses travaux sur les acides aminés ou sur les quantas, ces affaires-là, ou sur la chimie, c'était censé révolutionner les sciences et l'industrie. Que du monde de l'école polytechnique de Montréal ou d'une université, ils regardent ça pour qu'on règle ça une fois pour toutes. Quelqu'un d'ouvert, là. Faut pas que ce soit quelqu'un de fermé d'avance. Mais y a-tu de quoi de valable là-dedans ou c'est délirant? C'est ça, moi, ma question. C'était supposé révolutionner les sciences et l'industrie. Ben là. Il n'y a plus personne, il n'y a quasiment plus rien. Les montages d'Adela Tremblay-Sergery émettent-ils quelque chose? Aujourd'hui, on a des instruments qui ont la finesse pour le mesurer. Si ça émet des champs, on va pouvoir le mesurer si ça émet des champs électromagnétiques ou. Est-ce que les montages d'Adela Tremblay-Sergery émettent quelque chose? Moi, je dis pas c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Ce que je dis, c'est on peut-tu, s'il vous plaît, savoir pour vrai? Y a-tu quelqu'un, au lieu de se péter des cartoons, à faire des ateliers, puis là, à se mettre en état de suggestion, puis à répéter les mantras d'Adela, que ah oui, je rentre dans la science cosmique, Melchizedek, gars, serait-tu possible au niveau des assertions qui sont concrètes de vérifier? Moi, j'ai pas le budget, là. Mais il n'y a personne qui. Tu sais, je veux dire, pourquoi il n'y a pas un universitaire qui juste sort vérifier quelques affaires? Même à temps perdu. Tu sais, une gang qui se pète les bretelles, c'est les sceptiques du Québec. Eux autres sont dans leur propre croyance, tant qu'à moi, puis c'est un club social de mon oncle. Parce que Chris, ils foutent à rien. À part dénigrer puis dire ça, c'est de la merde, ils font rien. Hey, il y a du stock. On a des universités, on a des laboratoires. Au lieu de dire c'est de la merde, moi, je dis pourquoi on fait pas des recherches? Parce que jusqu'à un certain point, d'un coup, qu'on découvre de quoi d'inattendu. Juste au niveau de la psychologie, Bernard de Montréal, il y a quand même des découvertes, tant qu'à moi, que j'ai pas vu ça. Comme par exemple. Ben juste le fait de considérer la pensée comme de pas s'identifier à la pensée. C'est une attitude que j'ai pas vue. Il y en a un aux États-Unis, un que d'ailleurs je critique parce qu'il travaille avec des schizophrènes puis du LSD qui a un peu cette approche-là. Mais c'est tout, là, j'ai pas vu d'autres. Ben, en fait, avant Bernard de Montréal, il y avait Sri Aurobindo qui avait C'est pas un été. psy, c'est pas pareil, Non, là. non, mais je sais, mais lui, il n'a pas expérimenté nécessairement avec des gens, mais c'est lui qui avait amené le principe que la pensée vient d'ailleurs pour prendre une distanciation par rapport à la Ben non, pensée. franchement, David. Que la pensée vient d'ailleurs, là, ça date de bien avant Sri Aurobindo. Christ, c'est la base de. La pensée, c'est subtil. Ça peut-tu venir de l'homme? Tu sais, je veux dire, c'est pas Sri Aurobindo qui a amené ça. Ben, nomme-moi le penseur qui en a parlé. C'est pas un penseur qui a amené ça, c'est su, c'est connu. Tout ce qui est subtil vient de la même affaire. Je veux dire, c'est quoi qui est la source de ce qui est subtil puis qui est en dehors du temps et de l'espace? C'est pour ça, moi, que ça me faisait rire de me faire confronter par des catholiques qui venaient de dire, tu dis que la pensée vient d'ailleurs. Allume, innocent. Allume, étudie ta propre religion, tu vas le voir que les pensées viennent soit d'un bord, soit de l'autre. Toi, ce que tu as, c'est le libre arbitre pour discerner. C'est ça la base de notre religion. Tu sais, tandis que Bernard, lui, a le libre arbitre, il nie ça. OK, Ouais. comment qu'on va faire pour savoir si une pensée vient de nous ou pas? Comment qu'on fait pour s'identifier ou pas? Faut qu'il y ait un libre arbitre. Faut que tu aies un libre arbitre si tu veux discerner, si tu veux Mais avoir du c'était peut-être discernement. dans le sens que tu n'es pas libre de recevoir la pensée. Ben oui. Si tu décides, moi, que je reçois pas de pensée à un temps, je peux si je veux. Ouais, mais je vais te donner un exemple. Il y a une personne qui avait déjà dit dans un de ses enregistrements, compte jusqu'à 200 sans te faire, dans le fond, interrompre par une pensée intrusive, tu vas voir, tu ne seras pas capable. C'est-à-dire, si tu comptes 1, 2, tu essaies de garder le fil, à un moment donné, tôt ou tard, il va arriver une pensée qui va faire interférence avec le mouvement que tu vas amener. Jusqu'à 200, non, je trouve que c'est faisable. C'est juste qu'il faut se mettre en condition, mais c'est faisable. Ou au Mais pire, tu t'arranges pour avoir aussi ta pensée, ta. Pendant que tu comptes d'une façon mécanique, tu peux mettre ton attention sur une pensée qui n'est pas intrusive puis que toi, tu contrôles. ben, ça peut être possible, je ne l'ai pas expérimenté, mais ce que je Il peux y a plein dire, de possibilités par rapport à ça. Moi, je ouais. trouve pas ça impossible, là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on veut mettre fin à une pensée, puis elle revient à charge. Ben, moi, ça mettons que j'ai une journée que soit je veux plus y penser, j'y penserai plus. Ouais, dans le sens réfléchir, mais je veux dire, il peut y avoir de l'intrusion dans la psyché de pensées non désirées. C'est pas grave, ça, t'as laissé passer. Tu sais, c'est l'affaire que, ah, c'est une pensée non désirée, t'es faite. Elle va s'incruster, elle va laisser une trace. C'est la valeur qu'on donne. Bernard, il dit pas de plus avoir de pensée, il dit de pas s'identifier. C'est si tu mets de l'affect dans des formes, c'est sûr que ça les alourdit puis ils restent plus longtemps dans ton mental. Si tu les laisses passer, je veux dire, t'as pas à t'occuper de chaque sac de plastique qui passe au vent dans ta cour. Non, non, mais je sais, c'est un peu comme l'enseignement qui dit laissez passer la pensée dans votre tête, comme vous pouvez laisser passer les nuages dans le ciel. C'est parce que l'affaire, c'est la pensée, elle vient-tu tôt ou pas, c'est-tu ta pensée? Ou c'est une pensée qui passe? C'est sûr que dépendamment de ton état d'esprit puis tout, ça va avoir une influence sur le genre. Le style de pensée. Si t'es de mauvaise humeur une journée, il te passera pas les petits oursons snuggle. C'est sûr. Mais si t'es de bonne humeur, il peut venir une pensée. Je veux dire, il peut arriver une pensée. T'as des prédispositions, mais ça veut pas dire que. Mais c'est toi qui décides jusqu'à un certain point de ce que tu fais avec. On n'est pas responsable de nos pensées. Il est là le problème. On se sent coupable de des pensées qu'on n'est pas responsable, on est responsable de la gestion de nos pensées, de ce qu'on fait avec, comment on réagit, comment on les gère. Mais c'est tout, on n'est pas dans le sens. Moi, de la fois, quand la pensée vient d'ailleurs, à mes yeux, c'est une évidence, parce qu'une pensée, c'est subtil, c'est comme les ondes radio, je veux dire. Si tu allumes la radio, la musique, elle vient d'ailleurs. Exactement. C'est sûr qu'en lien avec la pensée, d'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais parler avec toi aujourd'hui. C'est que j'ai fini de lire en fait récemment le livre de Yuval Noah Harari qui s'appelle Homo Deus. Et dans une partie du livre, dans un des chapitres en particulier, lui il va dire que l'être humain, il n'a pas de libre arbitre et que dans le fond, il n'est pas la source des pensées puis des désirs. Puis lui, c'est un matérialiste. Pour lui, l'être humain, là, c'est un algorithme biologique. Là, il ne croit pas à Moi, je le l'être. sais. Bon. Le lien avec le titre du livre, c'est de la merde, donc à moi. Tu Bon. sais, je veux dire, OK, comment tu me dis ça? On n'a pas de libre arbitre. Oui, ça dépend de quoi on parle. Ben, c'est là que j'allais en venir. C'est parce que pour lui, c'est intéressant, puis je trouve qu'il rejoint la perspective de Bernard de Montréal, mais dans un contexte aucunement occulte. Pour lui, l'être humain, dans le fond, c'est une créature purement biologique, un algorithme, carrément, comme il va Ben, c'est dire. peut-être ça qui est, lui. C'est le genre d'affaire que pourrait dire de l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est ça qui est, lui. Une Peut-être très. qu'il est juste une créature biologique. Il est une suite de réponses à des stimuli. C'est mécanique, dans le fond. C'est comme ce que Malebranche il disait quand il donnait un coup de pied à un chien, puis que le chien criait. C'est comme une horloge, ça fait du bruit, mais ça sent rien. C'est comme une machine, c'est des automates. Peut-être que M. Harari est un automate. En tout cas, Peut-être qu'il n'y a pas d'âme. il se considère comme ça, puis pour lui, Bon, ben, dans. s'il se considère comme ça, c'est ça qui est. Ben, si, dans le fond, On est ce si. qu'on pense. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que si. Quelque part. Même si on pense pas. Ouais, mais là, c'est ça, c'est bien subtil. Mais bref, lui, ce qu'il dit dans son livre, puis ça, c'est en page 307, c'est que lui, il dit on choisit pas nos pensées puis nos désirs, mais on les perçoit et s'agit, et on va être influencé par ces éléments-là, puis on va agir en fonction d'eux. Puis lui, il dit que les désirs proviennent de réactions biochimiques du cerveau. Que pas, je vais lire un peu, puis après ça, je vais te laisser commenter, là. Bon, c'est Mais. pas, je vais l'oublier. Faudrait quasiment que je prenne des notes. OK, bon, je vais te laisser commenter à ce stade-ci, puis je continuerai un peu plus Ben tard. là, je me rappelle plus, là. OK. Mais en tout cas, bref, il y a une vision que, dans le fond, la pensée ou les désirs qui émergent sont des réactions biochimiques du cerveau. Comment est-ce qu'explique le fait qu'une pensée peut engendrer un changement biochimique dans le cerveau? Parce que lui, au niveau de la cause, c'est là que j'allais en venir, il va dire que les pensées, dans le fond, sont liées avec l'influence des préjugés de la société, histoire personnelle et patrimoine génétique, puis des phénomènes aléatoires par rapport à des circuits neuronaux qui vont se former ou déformer, ou ce qui sera transigé de l'information. C'est parce que jusqu'à un certain point, ça ne marche pas. Parce que si tes pensées sont liées à la biochimie de ton cerveau, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un volontairement puisse entretenir une pensée qui va modifier la biochimie dans son cerveau? Là, je parle de choses vérifiables cliniquement. Oui, tu sais, Comment est-ce qu'il explique ça, lui? Il dit que ça va rien que dans un sens. Ah, mais Tu sais, il y a une traite-là d'un vision. problème. Ben, encore là, il y a une nuance à apporter parce qu'il y a une vision systématique des choses où l'être humain, pour lui, va influencer d'autres êtres humains et vice-versa. Tu sais, C'est pas de ça c'est. que je parle, là. Ben là, c'est parce que l'être humain peut s'influencer lui-même. Où est-ce Non, non. que. Ben oui, mais la pensée, elle vient d'où si si l'être humain, par sa pensée, a un effet sur la biochimie dans son cerveau? Mais que les pensées sont le résultat de la biochimie dans le cerveau, comment est-ce qu'il explique ça? Il va expliquer ça par des facteurs La volonté, elle aléatoires. vient d'où? Le libre arbitre, il y a quelque chose qui est venu modifier, puis ce n'est pas une mécanicité autre que la volonté d'une modification Mais quelque lui, il va part. dire que c'est une impression de libre arbitre, puis c'est en lien avec l'activité des gènes, puis des circuits neuronaux qui Oui, se parce qu'il y a une connectent vision entre eux. mécanique Ouais. de cause à effet total. Moi aussi, j'ai une vision mécanique de cause à effet total. L'affaire, c'est que moi, je pense qu'il n'y a pas juste l'aspect comme lui, brut, mécanique, comme lui le pense. À mes yeux, il y a des strates plus subtiles. Puis son modèle peut pas fonctionner parfaitement parce que ça tient pas compte d'un paquet d'affaires qui font que il va avoir des imprévus puis il va avoir des contradictions qui Mais vont apparaître dans ça, la c'est en lien réalité. avec dans le fond, la dimension aléatoire des connexions qui se font. Aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire. Lui-même, il dit que c'est mécanique, tout est cause à effet. Puis là, on est rendu avec de l'aléatoire. Tout est conséquentiel, tout est mécanique, tout est suite de cause à effet. Mais là, tout d'un coup, il y a de l'aléatoire. Ça n'existe pas, l'aléatoire, là. En sciences pures, ça n'existe pas. Non, je Là, comprends. c'est juste pour définir le fait qu'on laisse en circuit ouvert des choses se faire toutes seules. Puis lui, derrière ça, ben c'est sûr, c'est l'activité des gènes. Puis pour lui, l'être humain n'a pas d'âme. Puis là, il disait qu'il n'y a qu'un flux de conscience dans lequel les désirs vont C'est et quoi les viennent. gènes? T'sais? Ben lui, il pourrait te répondre que c'est des algorithmes biologiques qui vont Des programmer. algorithmes. Ouais, des équations. Pour lui, tout est Regarde, là, équation. on est en train de prendre un monde qui existe juste dans l'esprit humain pour essayer de l'appliquer au réel, au lieu de faire le contraire. Lui, là, il s'en va, là, direct dans l'autre opposé. Il y en a, ils s'en vont, je veux dire, ils s'en vont dans la spiritualité totale, dissoute dans le nirvana. Lui, il s'en va direct vers la mort mécanique. Je veux dire, c'est comme un robot, là. Ben, Mais oui. c'est correct. C'est correct. Mais que quelqu'un comme ça, par contre, vienne après venir défendre des valeurs liées à la morale, là, je le prends pas, lui, il a plus, il a pas l'autorité. Non. Il a pas, il peut plus, de la façon qu'il fonctionne, il fait partie d'un pan de la caste des clercs qui existe juste, je dirais, depuis récemment. Donc, à mes yeux, ça n'a pas de vrai. Je veux dire, c'est, il n'y a rien à faire avec ça. Mais il y a des cons. J'apprendrai rien. Même Oui. lire Bergson, c'est mieux que lui, là. OK. Mais dans le fond, lui, par rapport à son livre, c'est un livre qui parle des développements possibles du futur de l'humanité, puis il parle beaucoup par rapport à l'intelligence artificielle. Puis là, il explique que dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est en ligne des algorithmes informatiques. Puis il dit que lorsqu'on passe à un stade où les algorithmes informatiques traitent plus rapidement l'information que les algorithmes biologiques, les êtres humains, donc on va arriver à un stade qui appelle le dataïsme, où on va sombrer dans une religion des données parce que les ordinateurs vont être capables de traiter plus rapidement l'information que les êtres humains. Ils vont se suicider d'être une religion, ce monde-là. Voyons, une religion des données. Oui, le dataïsme, c'est-à-dire que Ça l'être... ressemble au dadaïsme. Non. Regarde, là, je sais pas, mais je comprends même pas pourquoi on parle de ce gars-là. Ben, je, tu sais, je veux Ben, dire. en fait, il amène le concept que la pensée vient d'ailleurs, mais dans un contexte athée, non religieux, non occulte, non spirituel. Lui, c'est vraiment... Ben, vient d'où pour lui? Ben, c'est ça, c'est parce que lui, pour lui, la pensée est le résultat de l'activité des gènes en... Donc, elle ne vient pas d'ailleurs. Elle est le résultat de la mécanicité biologique. Mais pour lui, elle vient d'ailleurs que la Non. subjectivité de l'individu, puis l'idée d'un moi unifié, pour lui, Non, c'est une non. Elle chimère. vient de partout. C'est pire que d'ailleurs. OK. Elle vient de partout sauf de toi. Tu sais, je veux dire, on est tombé dans un autre extrême. Une autre affaire, une autre folie. La folie totalement contraire, mais c'est de la folie aussi. Ça, là, ça aboutit à l'eugénisme et à des affaires de même. Cette pensée-là, là, ça aboutit, là, les expériences que les Japonais ont faites en Mandchourie, c'est à ça que ça aboutit de la pensée de même. De penser que tout est mécanique, que la pensée, tu sais, c'est mécanique, que tout est... Là, avec des pensées de même, là, on aboutit à des élevages de poulets, là. L'être humain va être considéré comme un automate mécanique, puis il va être traité comme tel. Ben, en fait, en lien avec ça, il veut mettre en garde l'humanité contre les dérapages de ce que je perçois de son livre, dans le fond, du dataïsme vers lequel on se dirige. C'est-à-dire Ouais. que, dans le fond, avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, l'informatique, la technologie, ce qui va arriver, lui dit, c'est qu'on va se ramasser avec des masses d'individus Mais oui, mais inutiles. David, le gars là, qui te met en garde là, contre cette religion-là, là, c'est sa religion à lui. Puis ce qu'il fait, là, c'est le prosélytisme de ça. Il n'est pas en train de nous mettre en garde contre ça. C'est sa religion. C'est ça, sa religion, tu viens de me le dire. Je veux dire, c'est sa religion à lui, c'est son problème à lui. Qui va nous mettre en garde contre ses dérives à lui? Mais encore là, il y a une situation sociale où ce que dans les faits, lui donnait comme exemple au niveau historique, parce que c'est un historien de base, il expliquait que la notion d'humanisme a fleuri dans une époque où les industriels avaient besoin d'une masse humaine de travailleurs. Hein? L'humanisme, ça apparaît à la Renaissance. On est loin de l'ère industrielle, là. De quoi il parle, là? Mais en tout cas, bref, lui, c'est... L'humanisme, là, ça commence avec Pétrarque. Pour la première fois, un littéraire va décrire, selon sa propre expérience, l'ascension de la descente d'une montagne, mais c'est dans un style totalement nouveau pour des latinistes. L'humanisme commence là, parce que c'est le point de vue du gars qui écrit Ouais, la pour la première subjectivité, fois. là. Mais lui, là. Ça commence là, ben c'est ça qui va aboutir à après, t'as un paquet d'autres écrivains, Ça puis là, s'est de plus en plus, là, on enchaîné. va avoir Dante, puis là, après ça, tu sais, je veux dire, là, on va pouvoir s'en à Erasme, puis l'humanisme, il apparaît pas à l'ère industrielle, de quoi il parle? Mais ce que disait Fleury, dans le sens que les droits de Oh, l'homme, c'est plus une affaire de 19e siècle. hein? C'est une affaire de 18e siècle, les droits de l'homme. C'est les idées des Lumières. Voyons! Il sort d'où, ce gars-là? Je ne clapogne pas, là. Mais je vais On essayer n'est de... même plus dans ces idées-là. On n'est même plus dans les droits de l'homme. Là, on est dans un ère post-industriel. On est dans le post-moderne, là. Non, non, là on change, mais en fait, Je vais t'expliquer son raisonnement. C'est un arnaqueur intellectuel, tant qu'à moi, à date, là. OK. Peut-être que tu me l'expliques mal, je sais pas. Peut-être que j'explique mal. Je vais essayer de clarifier ce que j'ai compris de son propos. Lui, ce qu'il a dit, puis après ça, tu interviendras, c'est que, dans le fond, dans le passé, pendant l'ère industrielle, les entreprises avaient besoin d'une main-d'œuvre abondante. Donc, la main-d'œuvre humaine avait une valeur, puis les armées avaient besoin d'une grande quantité de soldats. Donc, dans un contexte comme ça, de valoriser la vie humaine ou ce qu'il y a des soins de santé pour entretenir la main-d'œuvre par rapport à l'élite, c'était utile. Sauf que dans un contexte où l'industrie devient de plus en plus automatisée, il y a le développement de l'intelligence artificielle, puis la guerre se fait de plus en plus avec des drones ou de la technologie qui n'a plus besoin d'être humain. Lui, il dit qu'aux yeux des élites économiques et militaires, l'être humain perd comme sa valeur, surtout que des algorithmes informatiques sont plus efficaces que l'être humain pour faire certaines tâches, ce Ouais, qui mais fait que justement, cette l'être humain est mentalité-là, c'est obsolète. au 19e siècle qu'elle vient au monde. C'est le contraire de ce qu'il dit, là. OK. T'sais, c'est au 19e siècle, l'industrialisation, puis les femmes, puis les enfants qui travaillent dans des usines, puis qui meurent les poumons noirs. Pis... C'est au 19e siècle, là. Mais là, ce qu'il expliquait, c'est que dans le fond, dans les années 1900, il a fallu que les dirigeants fassent des concessions par rapport à des droits humains parce qu'il y avait des besoins. Dans ce cas-là, ils n'ont plus besoin des êtres humains vu que la machine, l'intelligence artificielle, est en train de les remplacer. Puis là, il dit, on dirige vers une société avec des masses inutiles, puis probablement le déclin de l'humanisme à cause Regarde, de là, ça. ce gars-là, là, à date, là, il promouvoit tout ce que tu me dis qu'il dénonce. Il a exactement la mentalité de ce que tu me dis qu'il dénonce. Il pense exactement comme les gens qui nous gouvernent, puis qui sont des... qui considèrent les masses comme... Lui-même, il a l'air de penser ça. Les masses sont rendues inutiles. Le but de la masse, c'est la production, puis... C'est pour ça qu'on vit, qu'on est sur Terre. Ça, c'est sa religion à lui. Moi, ce qui est, moi, il y a quelque chose, je veux dire, j'obéis à un idéal qui transcende mon existence. Dans le sens que je considère que ma vie est importante, puis je vais la préserver, puis tout, mais c'est pas pour moi tant que ça. Je suis tellement persuadé que quelque part que je suis pas sûr de rien que je fais un pari, tu sais. C'est comme un coup de dé. Je fais le même pari que Blaise Pascal quelque part. Mais lui, il parie rien. Il est sûr de son affaire. Je comprends même pas comment il fait pour se lever le matin en pensant de même. Mais dans le fond, par rapport à son propos, c'est que lui dit, on se dirige vers ça, mais il veut comme mettre en garde les dangers que l'être humain soit soumis aux algorithmes, et puis les dérives en lien avec ça. C'est comme de le décrire la menace pour que les gens puissent réagir par rapport à elle, de ce que je comprends de sa démarche. Ben encore aujourd'hui, on pense que George Orwell voulait nous prévenir. Comme s'il était pas. Je me demande si on n'a pas affaire à l'exposition d'un plan par les gens qui. Dans le fond, c'est de mettre en pleine lumière ce qui nous attend. Est-ce que c'est pour nous mettre en garde tant que ça? Parce que ces mises en garde-là, de la façon qu'on nous l'expose, on peut rien faire. Ben c'est présenté que si on reste sur le pilote automatique, c'est comme une fatalité. S'il n'y a pas un meilleur Ben oui. encadrement de l'intelligence Puis artificielle. c'est sa définition de l'être humain, le pilote automatique, David. Donc, c'est inéluctable. C'est inéluctable, ça, ce qu'il dit, dans le fond. Si on se met dans sa logique à lui, c'est à se demander pourquoi il fait ça. T'as raison. Fait que, tu sais, moi, c'est là. Moi, c'est quand qu'il y a des incohérences dans même. Je vais te le dire pourquoi il fait ça. Parce que ça pogne, le monde le trouve fin, puis tout, puis il fait bien de l'argent. T'sais, moi, je le vois de même, là. C'est comme une vedette, là. J'arrête pas depuis quelques années d'entendre tout le temps parler de lui. Je l'ai jamais lu, je l'ai jamais écouté. Il est bien trop connu pour être important. T'sais, les gens vraiment importants, les auteurs vraiment importants, c'est Mais du monde il y a pas quand connu. même en lien avec ça, tu sais, j'observe au niveau social que les gens, au fil des ans, donnent de plus en plus d'importance au flot de données, puis la quantité incroyable de données qu'on a accès à Internet, qui est exponentielle depuis quelques décennies, va dans le sens de son discours, qu'on se dirige vers le big data, puis là, c'est sûr que par rapport à ça, il y a comme une tendance où ce qui expliquait que les algorithmes, entre autres des réseaux sociaux ou autres, vont manipuler l'individu, l'influencer dans certaines directions, puis qu'on est en train de sombrer là-dedans. S'il veut vraiment m'intéresser, monsieur Harari, là, qu'il fasse imprimer ou venir, parce que c'est très cher et c'est dur à trouver, là, tout l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre avec l'émission des peuples. Qu'il lise ça, là, puis qu'il m'explique comment ça se fait que Saint-Yves d'Alvèdre, il savait tout ce qui allait arriver dans les décennies après sa mort. Il savait les Chinois. Il savait qu'il allait changer de système, qu'il allait avoir. Il savait les musulmans. Qu'il allait avoir un plan, puis que c'était lié à de la finance, les installer en Europe, puis que ça allait faire des tensions. Pis comment ça qu'ils savaient tout ça? On est tous là à parler. Les Illuminati, les francs-maçons, puis là, il n'y a personne qui parle des synarchistes. Il n'y a personne qui parle des applications synarchiques de la cybernétique aux aspects sociaux de la gestion de la bête humaine. Puis de ce qui est dans le fond. Comme ce que l'autre Hobbes y appelait le monstre marin, là, comme il y a dans l'Ancien Testament, là, Léviathan. Le Léviathan, qui est un système, c'est lié au peuple puis à nourrir le peuple. Dans l'Ancien Testament, Léviathan, il est mis à mort pour sauver le peuple. Mais c'est grâce à ça qu'il survit. Mais c'est comme ça monte une phase. Là, on s'en va vers autre chose. Mais c'est ça, ultimement, par rapport à Saint-Yves d'Alvède, on se dirige vers quoi, l'humanité? L'affaire, c'est pas vers quoi, mais comment. OK. Parce que moi, le vers quoi, je peux pas checker ça. Je peux pas. C'est le comment. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que on est gouverné par. Dans le fond, si tu lis entre les lignes, là, il y a différentes cliques. Mais ce qui est inéluctable, c'est qu'il va avoir rien qu'une clique à un moment donné. Ça fait partie des lois de la nature. C'est comme, tu sais, l'Europe au début, c'est tout des petits royaumes. Puis là, plus ça va, plus haut, tu as des pays. C'est plus, tu as moins moins de pays qu'il y en avait. Ils sont plus grands un peu. Puis là, à un moment donné, tu as du monde qui décide, oh, on va faire l'Union européenne. Puis ça, les premières idées que ça sort, c'est dans des sociétés secrètes en Autriche. Des années 1800 quelque, c'est spécial là, parce que tout ce qui se passe en ce moment a été pensé, réfléchi, appliqué, même quand ça a l'air des imprévus aléatoires. Puis là, de nous vendre qu'on s'en va vers ci ou ça, que ce soit Hariri ou peu importe, là, j'y crois plus ou moins. Parce qu'à date, ce qui se passe, comme ça a été dit, c'est pas eux autres qui en ont parlé. Puis l'affaire, c'est que même il y a au-dessus de. Ça va faire, là. Tu sais, c'est vers 2011-2012, quand je parlais sur des forums, puis que j'expliquais qu'il allait avoir un agenda pour, tu sais, une confusion des genres, puis que ça allait être dans les écoles. Puis le monde, il me traitait de fou. Mais ces affaires-là, je les savais. Je les savais pas par de la canalisation. C'est parce que tout est décidé par des groupuscules, toujours. T'as différentes strates, t'as différents clics, t'as différentes Mais là, ouais, affaires. justement, par rapport à ça, est-ce que c'est décidé à l'avance depuis longue date qu'éventuellement il allait se développer des ordinateurs, de l'intelligence artificielle et que l'être Ben humain oui. finirait par être dirigé par des algorithmes qui lui On dicteraient? sera jamais dirigé par des. On va être dirigé avec, mais pas par. Elle a la nuance. Ben, présentement, je te dirais de plus en plus, les algorithmes ont une grande influence sur la vie des individus et Oui, par. oui, C'est pas mais. eux autres qui. L'influence, il y a quelqu'un en arrière qui a décidé que Oui, l'algorithme c'est allait ça. Il a aller dans programmé tel. des algorithmes. Sauf que l'être humain a programmé des algorithmes, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on en vient à un stade où la création échappe à son créateur. C'est là que je te dis, il y a une crosse. C'est là que je te dis, moi, que je suis méfiant envers ces conférenciers-là. Parce que c'est nous faire. Là, c'est le magicien d'Oz, là. On veut nous cacher les petits bonhommes en arrière du rideau. Non, non, non. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est une vérité qui a tout le temps été. Le jour où ce que l'homme n'est plus un homme, puis l'intelligence artificielle est un loup, voyons là. J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Sachant la nature humaine, le jour où, si jamais là, ces technologies-là menacent le pouvoir de ceux qui l'ont, ça va être les premiers à la détruire. Tu peux être sûr. À C'est moins sûr, qu'ils sûr, sûr. sombrent avec elle en étant soumis à elle malgré eux. Voyons donc, David. On essaie de nous faire à croire que c'est des fous tant que ça, là. C'est Caligula qui nous mène. Ben, quoi qu'il en soit, j'avais déjà écouté une vidéo où quelqu'un qui avait travaillé comme programmeur par rapport à un réseau social de jour s'est fait prendre au jeu parce qu'il dans sa programmation, il fallait qu'il rende la chose tellement addictive que les gens passent un maximum d'heures dessus, que le soir, dans son temps de loisir, était rendu dépendant à ça. Puis il avait fait Ben oui, comme un mais lui, c'était un témoignage. programmeur. Ben, oui, mais c'est parce C'était un employé. oui, je sais, mais il était quand même pris avec, entre guillemets, sa création qu'il a programmée. Ben oui, mais le monde qui le payait, là, penses-tu qu'il était pris dans sa création? Non, mais lui s'est fait prendre au jeu, puis il se sentait coupable de tout ça, puis ça a donné place à un documentaire qui s'appelle Social Dilemma là, sur Netflix, que j'ai trouvé intéressant, où il expliquait que finalement, il regrettait ce qu'il a fait, parce que lui-même, il a été confronté à une problématique dans sa vie personnelle, et présentement, je veux dire, c'est un fait que les gens deviennent de plus en plus dépendants ou accros aux réseaux sociaux ou YouTube, qui va tout le temps refiler le même type de vidéo pour garder les gens à nourrir des croyances, que ce soit la Terre plate qui a augmenté à cause que les gens qui écoutaient des vidéos, ça les relayait constamment, là. C'est un phénomène social qui a amené le phénomène des platismes, là, entre autres, là. Ben regarde, là. Pierre Légaré disait, si tu suis pas ton horoscope, peut-être que ça déplace des planètes. L'affaire, c'est la Terre changera pas de forme parce qu'il y a une majorité qui croit ci ou ça. C'est pareil pour le reste, on est dans l'illusion. Les gens qui mènent vraiment, c'est eux autres qui sont intéressants. Tu sais, moi, Harari, il m'intéresse pas, c'est un technicien, c'est un programmeur. Si ça se peut qu'il se fasse prendre à son propre jeu, puis dans le fond, la religion qui veut nous prévenir, il est dedans, puis il croit. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est la même affaire. Il s'est fait prendre au jeu. C'est pour ça qu'il a choisi lui. Il y a du monde qui sont poussés vers la lumière, qu'ils le sachent ou pas. Tu sais, il y en a du monde, bon, ah, c'est parce que je suis fin, puis je suis intelligent, que ma carrière, non, non, c'est pas de même, ça marche. Il y a quelqu'un qui choisit. Il y a peut-être même des algorithmes pour faciliter la tâche, mais les gens qui sont poussés vers la lumière sont sélectionnés. Je veux dire, eux autres, ils pensent que ah, ben, ma carrière, elle va bien, puis ils ont eu des coups de pouce, ils ne le savent pas. Ils disent, ah, ben, tu sais, le destin, c'est de même. Quand ça se met en place, là, ça décolle. Non, Puis je le comprends. La monde, ils se font des personne, histoires. c'est ça, la personne peut être naïve en lien avec ça, mais il va falloir qu'on arrête à présent l'enregistrement qui a duré près de 2 heures. Donc, en terminant, dans le fond, t'avais-tu un mot de conclusion? Ben non. Parfait. Fait qu'écoute, ça a été un plaisir de discuter encore une fois aujourd'hui avec toi. Et puis, je rappelle aux gens qui nous écoutent que tu as une chaîne YouTube, là, qui ta troisième, en fait, là, que les gens peuvent écouter. Je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement présent. Et aussi, donc, s'il y a des gens qui apprécient les entrevues que je fais au fil du temps, ou même les enregistrements solo, eh bien, je rappelle que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Donc, je salue tout le monde et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Parfait. Oui, c'est correct. Oui. Bon, je vais aller voir ce qui se passe avec mes comptes. Excellent. Fait qu'écoute, dans le fond, l'enregistrement, en fait, je vais t'expliquer ce qui va se passer. C'est parce qu'hier, j'ai fait un enregistrement avec un autre invité. Je vais le mettre en ligne. Puis par la suite, le tien, je vais le mettre en ligne. Mais je vais peut-être faire un décalage de quelques jours. C'est correct? Oui, c'est correct. Fait Ah oui, que. y a pas de problème là. OK. Merci de ta Puis, compréhension. ben oui, y a rien là, là. Tu peux même pas le mettre si tu veux. Non, non, je vais le mettre, là. C'est juste que dans le fond, vu que j'en ai fait un hier, je vais mettre celui-là, mon invité d'hier, quelques jours, le temps que les gens prennent connaissance, puis par la suite, je vais mettre le tien pour espacer un peu. OK. Bon, ben. Je vais aller me faire du café. Ben, je vais aller me servir du café. Puis, ben, tu me donneras des nouvelles, là, même que ça soit. Sorti. Ça fait plaisir, donc à bientôt. OK, bye. Bye.